طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. طيب أقسام الفعل، الفعل إما كيف يكون يا محمد؟ إما سالم. سالم مثال الفعل سالم كتب. كتب نعم يكتب ولا يكتب. ما معنى سالم كوندي لا إيش سالم بابو طب بدي عندي ان فيرب سام يا با حرف الا الى اخر. طيب ما معنى فعل مهموز؟ مهموز سي كو لا يعني لا همزه elle peut au début au milieu et à la fin. C'est-à-dire, tu dis, pour bien s'exprimer, tu dis, c'est un verbe d'où on trouvera une hamza. Soit en début, soit en milieu, soit à la fin. On débutera en début de verbe, en milieu de verbe, et en fin de... Qara. Qara, ahsant. D'accord. Comment on dit le verbe akala, fil amr? Cool. Cool, naam. Al-mudha'af. Ma wal fil mudha'af. شدة لكن شدة سيتو نعم سجل دو لتر دون لا هذا c'est-à-dire pour bien expliquer c'est quoi ce sont deux mêmes lettres l'une dans l'autre. طيب pourquoi on a dit deux mêmes lettres deux mêmes lettres puisque on va prendre l'exemple de hajj hajju hajja par exemple faut pas dire par exemple il y a un ha et un ra et un kha ou un ha et un djimji par exemple ou ja مفهوم ce sont vraiment deux mêmes lettres hajja à la base c'est quoi hajjaju حججتو حججة. طيب إن شاء الله كمان دي حجة في الأمر حجة حجة أحسن. المعتل كم أقسام؟ ثلاثة. الأول المثال والمعتل الفا دابور معتل الفا. طيب لماذا سمي معتل الفا؟ pourquoi on l'appelle معتل الفا؟ parce que la difficulté elle est sous le fa, c'est à dire sous le pesé de fa'ala. C'est-à-dire quand on en travaille à quel pesé ici avec fa'ala. Et quand on a mis par exemple le verbe waqafa, wajada, on a trouvé quoi? Al-harf al-illa, c'est-à-dire la lettre défectueuse, c'est le waw. Il s'est trouvé sous le fa. Un exemple, harf mu'tal al-ain. Qala. Qala. Également, il a un autre nom, on peut l'appeler ajwaf. Ajwaf, c'est-à-dire en français, concave, c'est quelque chose de creux. Également, mu'tal. اللام également il a un nom الناقص un exemple قهوة قهوة قهوة وكيف عبد الحميد كوا كوا الله يبارك فيك. طيب c'est la fin du deux طيب كوا mais donne un autre exemple. Masha, taïb. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ces verbes-là? Mu'tal lam ya Mohamed. Par exemple, Masha, Nasiya, Naha, Da'a. Non, bien sûr, ouais. C'est pour ça qu'on l'appelle Mu'tal lam. Mais on avait dit une chose, une particularité par rapport à quoi? On ne peut pas dire en plus. Au Moudara. Est-ce qu'ils ont tous le même Moudara? Non, soit on trouve un waw, soit on trouve un ya, soit on trouve un. Vous vous souvenez de ça? Hein? Le faux? Taïb. Également ça dans quoi? Dans Mu'tal al-Ain. Taïb. Masha, tu dis quoi? Yamshi. Alaykoum salam. Yamshi. Yamshi. Taïb. Et le yad'ou? Da'a lam yad'ou. Taïb. Vous vous souvenez? Par exemple, on disait quoi? Mu'tal al-Ain, on dit ba'a, on dit quoi? يبيع قال يقول إنما ينام ينام. طيب بينام ينام إنه مضارع مرفوع لا il est écrit déjà dans le tableau. Toi tu l'as écrit avec une fatha. Le مضارع est-ce qu'il peut être مفتوح؟ Si mais avec s'il est précédé d'un quoi حرف نصب زيد لن ينام أما تقول ينام كذا لا. طيب السلام ينام لن ينام. طيب ما ولا في المقرون يا ايمن؟ دو حروف حرفان حرفان. طيب ابليكي الديوال ها harfan donc kawa kawa c'est à dire quoi deux harfs qui se sont suivis l'un et l'autre qui sont quoi deux lettres défectueuses comme kawa alwa wa alia wala fi fil maqrun la mafrouq c'est ça c'est deux lettres qui sont séparées c'est à dire deux lettres défectueuses qui sont séparées par une autre lettre comme quoi waqa taïb عندك عبد الكريم بارك الله فيك ما معنى فعل تام Tu nous as rien ramené. Imaginez-vous, je viens vers un frère, il me pose la fi'al tam, je dis c'est le contraire de naqas. C'est-à-dire que tu peux conjuguer tout le temps ? Ma ma'ana, ta'arif. T'as compris Abdelkarim ? C'est pas ça que je veux dire. Hein ? C'est comme si je t'ai dit, c'est quoi un musulman ? Tu me dis c'est l'inverse d'un kafir. Et le frère, il sait même pas déjà c'est quoi un musulman. Vous avez compris ça ? Là. Ce que tu dis, il y a du vrai et un peu du faux. Voilà, un frère, tu lui expliquais, comme je te donne l'exemple, c'est quoi un muslim, tu dis c'est l'inverse d'un kafir. Le frère là-bas, c'est même pas c'est quoi un muslim. C'est un verbe qui se conjugue tout le temps. Là, Abdelkarim. Fi'al tama wa. Il suffit à lui, il n'a pas besoin d'un ismi d'un khabar. Là, c'est pas ça. Andek. Yaktafi bi marfou'ihi. C'est-à-dire quoi ? Son sujet lui suffit. Qama zaydun. Le fumada ? On verra que bientôt dans le 3 que certains verbes ils ont besoin d'un sujet et d'un maf'ul bi. Darabtu. Ça suffit ça, je viens vers toi, je dis darabtu. Tu vas me dire quoi ? Men. Darabtu Zaydan. Tu as bien vu que c'est un verbe qui a besoin d'un COD. Amma al-fi'l tam yaktafi, c'est-à-dire il se suffit avec quoi ? Avec son sujet. Qama al-mudarrisu. Al-jumla mufida ou laysat bi mufida ? Hein ? Baka al-walad. Vous avez compris ça ? Hada wa tayyib. الفعل الناقص ما هو يا محمد يحتاج الى اسم وخبر احسن طيب الفعل الناقص يحتاج الى اسم وخبر سيجق السلام ورحمه الله وبركاته طيب ان اكزامبل ليس زيد مريضا نعم طيب ليس زيد مريضا او كان زيد مريضا انا بيجي كان زيد Là, l'imada, il y a nous fi'l naqis. On a dit que le fi'l naqis, ça a besoin quoi ? D'un ism et d'un khabar. Révisez bien ce tableau-là et cette faïda que je vous ai donnée également. Taïb. Et dans, barakallahu fik, indique Ayman. Wa naqis fi sarf. C'est là où je vais en venir. C'est pour ça que je vous ai pris tout doucement. Le naqis fi sarf, c'est son dernier harf. C'est un harf. Harf la illa. Vous avez compris ? Vous vous souvenez de ça ou non ? Al fi'l naqis, il a besoin d'un ism et d'un khabar. Ça, c'est dans quoi ? نحو اما في الصرف الناقص ما هو c'est celui dont son verbe il a quoi un des حروف من الحروف العله اما الواو اما الياء اما الالف vous avez compris cette différence à pas confondre t'as compris ça avec quel maintenant طيب بسم الله اذا ها نقرا hein, ce tableau là il est très très important là. Hein, révisez-le même tous les jours. Comme ça, dans le 3, on va rentrer, c'est-à-dire en profondeur après même dans le sarf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ad-dars al-thalathoun, yaqifu bil-bab, fatayan. Andek ? Bismillah. Autre là, menantouma ? Na'am. Nahnu talibun, je. T'as na'am toi ? Non. Ah, taïb. Non, vas-y. Nahnu. نحن طالبان طالبان aujourd'hui c'est un dars que sur le duel et alhamdulillah on l'a étudié le duel hein nahnu taliban jadidan طيب مرحبا بكما من اين انتما من صين متى وصلتما الى المدينه المنوره وصلنا امس أتوامان سير جيمو طيب نعم وكيف عرفت ذلك يا أستاذ عرفت من الشبيه الذي بينكما لا بينكما الذي بينكما ما أسماؤكما اسمي الحسن وأخي اسمه حسين الحسين يعرف العلماء الحسن والحسين ألكما إخوة وأخوات؟ نعم لنا

elles sont pas présentes. Huma yadhhabani. Et on parle sur deux frères qui ne sont pas présents. Huma yadhhabani. Mafhoum inchallah, apprenez ça par cœur. Barakallahu fikoum. Tayyib. C'est-à-dire combien de fois on rencontre tadhhabani? Trois fois. Une fois pour qui? Pour le garçon, pour deux garçons. Et deux fois pour les deux filles. Présente et non présente. Ces deux sœurs. Et yadhhabani pour qui? Deux frères pas présents. Pour deux frères non présents. T'as vu, Inch'Allah, les frères? Apprenez ça. Comme ça, après, c'est fini. T'as vu? Antum tadhabuna. C'est bon? Antum tadhabuna. Anti tadhabina. T'as vu, Inch'Allah? Ça, c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est marfou. Comment on sait que c'est marfou ici? Tout ce qu'on vient de dire? Thubut nun, c'est-à-dire la présence du nun. المضارع المنصوب زيد الزيداني الولداني لن يذهبا. On a supprimé quoi? Le nun. Est-ce qu'il est mansoub et madzoum? Mansoub par la présence de l'an. طيب. الاولاد لن يذهبوا. C'est la même chose. طيب. انتما لن تذهبا. طيب, si je parle à qui là, si je dis ça? Deux frères. À deux frères qui sont présents. Et si je parle à deux sœurs, Antuma, Lan Tadhaba, pareil, elles sont face à moi. Mais si j'informe sur deux sœurs, Huma, Lan Tadhaba. Et si c'était par exemple sur deux frères qui ne sont pas présents, Lan Yadhaba. C'est compris, Inch'Allah? Antum, Lan Tadhabu, Anti, Lan Tadhabi. Al-Mudara al-Madzoum, Lam Yadhaba, Lam Yadhabu, Lam Tadhaba, Lam Tadhabu. Et l'âme tadhabi. T'as vu, Inch'Allah, les frères? Et ça, c'est un dars qui est dans Tuhfa. C'est-à-dire, si vous l'apprenez dès maintenant, Alhamdulillah, ce sera que de la Mouraja. T'as vu. Qui a une question à poser par rapport à ce tableau? Il y a 5 temps. C'est 5 temps, mais moi, je vous ai rajouté les deux. C'est pour ça que certains ils disent la frère Al-Khamsa ou ils peuvent rajouter Naam. Il s'appelle pas aussi Al-Amthil Al-Khamsa? Certains, ils l'appellent également Al-Amthil Al-Khamsa, les 5 exemples. T'as vu. Certains disent que c'est mieux de dire l'amthila al-khamsa par rapport à quoi? Parce qu'ici c'est le même verbe. C'est pas l'affaire al-khamsa. Le plus important c'est de savoir quel est le but de cet exercice-là. Quelqu'un a une question? Taïb, bismillah, idan, on applique les exercices. Taïb, on fait l'exercice 2, il te dit dha'f al-farar fi kulli jumlatin mimma yali mimma yati fi'l dhahaba. Taïb, au temps du madhi. Vous avez compris? C'est-à-dire dans le vide, il te demande de mettre quoi? Le verbe. Dhahaba ou madhi. Et faites attention, on va utiliser quoi? Le duel. Un grand 2. Hein? Là, on revient dès le départ. Pourquoi? Parce que si on appliquait directement les exercices, très peu auraient pu le faire. Pourquoi? Vous n'avez pas compris l'utilisation du duel avec les verbes. Alors là, on dit par exemple Aina Khalidun wa Hamidun. Alaykoum salam. On dirait quoi? Là, au madhi. Dhahaba. Hein? Dhahaba ila al-maktabati. Tu prononces le alif. طيب. Aina Aminatu wa ukhtuha dhahabata ila al-mustashfa li'iyadati ummihima. طيب. Là on parle à deux frères. Aina dhahabtuma ya akhawan. طيب. A ila at-tabibati dhahabtuma ya bintani. Vous voulez que je répète? Hein? Lequel je répète? Le comment? Le dernier. Aïla tabibati dhahabtuma ya bintani. Comme je parle à deux sœurs, je dis quoi? Dhahabtuma. Taïb. Et si c'était deux frères? Taïb. Dhahabtuma. La même chose. Taïb. Vous l'avez compris cet exercice? Taïb. On fait le deuxième, le grand 3, la même chose. Hein, il te dit dhaf el farar fi kulli jumlati mimma yati. Fi'l yadhhabu. C'est la même chose mais au mudhara. Ahmadu wa Ibrahim, on dira quoi là? Yadhhabani ila al maktabati kulla yawm. Yadhhabani. طيب. Là on va parler à deux enfants, on dira quoi? Aina tadhabani, ahsantum. Ya waladan at-talibatani al-jadidatani, on dira quoi? Tadhabani ila al-musalla. Car on informe sur qui? Sur ces deux sœurs là. طيب. Et ça ressemble à quoi ça? Comme si on parlait que d'une seule sœur, on disait quoi? Hiya tadhabu. طيب. Là on va parler à deux sœurs, on dira quoi? Mata tadhabani ila saydaliyati ya ukhtani. C'est bon?

ماذا تغسل آمنة وأمها؟ نعم تغسلان القمصان. طيب كان كيسيون بارابور على هذه الدرسون كيف يفعل به لو فيرب نو الديوال كل ديوال الضمير يسمى مبني نعم سي ان فاريابل ا بار سي تي كوا سي تي ما حفجر مرت بهما نعم بكليهما يسمى الفيرا افيك سا مي سينون لا قراتهما تي با قراتهما هذا لا ابري سان لا في سا on avait dit quoi الضمائر ils sont quoi invariable طيب ça inchallah dans le 3 il y a un dar spécial sur quoi sur les damair qui est très intéressant. Quelqu'un a une question à poser sur cette leçon ? Abdelhamid, Mahdi ? Tout le monde a compris, Inch'Allah ? On va juste lire le texte. Attends, Alhamdoulilah, il reste un peu de temps. Leçon 31. Ad-dars al-hadi wa al-thalathoun. Bismillah. Bismillah. Aina al-taliban al-jadidan ? Très bien. Aina al-taliban al-jadidan ? Huma fi al-maktabati. Dhahaba liya'khudha al-kutuba al-muqarrara. متى ذهب؟ ذهب في الحصة الثانية. يا أستاذ أريد أن أشتري معجم عربية. أريد أن تدلني على معجم جيد. اشتري المعجم الوسيط. السلام عليكم. معجم جيد. اليوم ينتهي. الجوز الثاني. إن شاء الله. الجزء الثالث. في الأسبوع القادم إن شاء الله. نقرأ اليوم الصفحتين الآخرتين. الصفحتين الآخرتين من الجزء الثاني. الثاني. طيب إن شاء الله. دمع إن شاء الله. ممكن يقرأ لسنا. بارك الله فيكم.